Chérie, Mahoua, Lydia, la moitié de Soirée à Souka Tosana Kabisoni Palé, la bacana qui va serrer au col de la Yelanda Mamae, Capel au colayo, souci et les autres, la pète à qui a l'opéte, au tien à mon sapier, au la qui s'accapango, pour bandit maillot, au la qui s'accapango, pour bandit maillot, Kadie. Se con